Voici Guillaume Bouguise. Allez, Guillaume. Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien. Ça va. Mais le jour, j'étais à Bruxelles chez moi et je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Et là, forcément, je me dis, bah ça y est, c'est Jacques Audiard quoi. Il va tourner. Bah ouais, il va tourner un prophète 2. Je vais reprendre le rôle de Nils Arostrup qui était quand même pas au niveau dans le 1. T'es faiblard, Nils, c'est tout. Et ma carrière va décoller au cinéma. Enfin, vous me reverrez plus jamais. Fini les chroniques quoi. Et en plus, je vois le numéro. Je me dis, c'est un numéro belge. Jacques, il a pris un numéro belge, tu vois, pour que je me sente vraiment en confiance. Je me dis, mais quel perfectionniste quoi. Il est incroyable. Sauf que là, le téléphone, c'est pas Jacques. Évidemment, c'est un homme qui me dit, je parle bien à Guy Verstraeten. Et j'avoue qu'au téléphone, j'aime pas quand on m'appelle par mon vrai nom. Parce que quand on m'appelle par mon vrai nom, soit c'est le fisc, soit c'est la police, quoi. Et... Mais là, ça m'étonne parce que j'ai plus rien à voir avec le fisc belge. Mon argent, il est au Panama. Je veux dire, le montage financier qu'a mis en place France Inter pour nous payer, il est sublime, quoi. C'est vrai. De temps en temps, je pars avec Daniel Morin, on va chercher 60 euros là-bas. Sur le chemin, il me raconte sa vie. Je me dis, bah, quelle vie, quoi. Dommage que je sois pas médecin, j'aurais pu aider mieux, mais quelle vie, quoi. Ah, bah, c'est des jolis voyages, hein. Donc, ça peut pas être le fisc, ça peut pas être la police non plus. Moi, ça fait 4 ans que je roule plus bourré. Depuis que j'ai plus de voiture, quoi. Depuis 4 ans, je roule bourré par procuration, parfois à cause de mon haleine. Le chauffeur Uber, il prend un demi-gramme, tu vois, mais c'est la jurisprudence de Pardieu. Le VTC, il doit mettre une séparation en main. Ben, sinon, l'amende est là à sa charge. C'est, that's the law. C'est la loi. Donc, ça m'intrigue. C'est un trop. Et le mec, il me sort cette phrase glaçante. Il me dit, vous vous êtes bien fait vacciner dans notre centre le 7 juillet dernier. Là, je me dis, ah putain, je suis foutu. On va me dire que c'était une dose de vaccin périmé, qu'elle traînait dans un bac à chat avec du crack et de l'amiante et qu'il me reste 4 jours à vivre. Ben, limite, je m'en fous. Tu vois, j'aime bien la vie, mais sans plus, quoi. À part un chouette film de temps en temps, un falafel pas trop sec, la vie, franchement, c'est pas cool. Mais le mec, il me dit, je vous appelle parce que l'infirmière vous a fait l'injection, elle vous avait reconnu à l'époque. Et là, je fais, ah, ça y est, les masques tombent. Guy Verstraeten, c'était un leurre, un cheval de Troie, c'est pas Guy Verstraeten qui veulent, non. Celui qui veulent, c'est Ernesto, fils du soleil d'un mocassin anglant, cousin d'Indira Gandhi et de Philippe Candeloro. Ils veulent le clown, ils veulent l'entertainer, ils veulent le mec qui a tout appris à Matt Pokora. Mais ouais, c'est lui qui veulent. Et là, il m'explique que la vaccination patine à Bruxelles depuis longtemps. En gros, la Belgique entière, il y a plus ou moins 75% des gens qui ont un schéma vaccinal complet, mais à Bruxelles, on est genre 21, dont 19 ouais. Vieux quoi. Il y a 2 jeunes qui se sont vaccinés, ils croyaient que c'était de l'AMD. Ils ont attendu les effets pendant 72 heures. Je peux dire qu'ils ont été déçus, Angèle et Romeo Elvis. Mais là, le monsieur, il me demande plus ou moins d'animer. Il me demande d'animer une espèce de soirée potentielle où les gens viendraient se faire vacciner. J'étais là, bien sûr. Moi, je vais dire aux gens de venir voir mon spectacle et à la fin, je vais faire, on a une petite surprise pour vous. Allez hop, on lève ses manches. Franchement, c'est pas mon rôle. Moi, je me suis fait vacciner, mais bon, j'avoue que c'était avant tout par amour des médicaments quoi. Tiens, c'est les médicaments, plus je vieillis, plus j'aime ça quoi. J'ai un projet, le pharmacie comedy club, happy hour sur le sirop, que des blagues sur le Viagra. Vraiment, tu vois. Vous avez remarqué la petite pilule bleue, si tu la prends en suppositoire, ça va faire un carton. Mais on la garde pas. Je crois pas, non. Si je me suis vacciné, c'est parce que j'ai l'impression que c'était la seule solution pour arrêter de psychoter en permanence. En vrai, là, je ressors en boîte et tout, tu vois, 1000 personnes, pas d'aération, Zumba, café. Et par contre, j'utilise toujours mon t-shirt pour toucher les interrupteurs, tu vois. Jean-Michel Cohérence, vraiment, profitez, c'est peut-être ma dernière chronique, c'est pas Jacques Audiard, ce sera le Covid-19, je vous le dis. Mais bon, moi, j'ai eu le vaccin Moderna, mais je suis pas assez spécialiste en vaccin Moderna pour faire du prosélytisme à grande échelle, quoi. Si c'est vraiment Moderna qui veut que je fasse du prosélytisme à grande échelle, il y a une solution très simple, 60 euros sur mon compte au Panama. Le directeur financier parle avec mon conseiller fiscal, Daniel, il prend sa com, 53 euros, et on avance, hein, c'est vrai, tu vois. Mais c'est, en plus, c'est beaucoup de jeunes qui sont réticents à se faire vacciner à Bruxelles. Et j'ai dit au mec, mais d'où moi je parle aux jeunes, quoi. Vous connaissez la radio sur laquelle j'officie? Nos auditeurs, ils sont vaccinés depuis... Nos auditeurs, c'est le public test, vraiment, il y en a un, c'est lui, il a inventé le Covid. Mais si vous voulez toucher les jeunes, prenez un youtubeur, tu vois, ou un prêtre. Oui, mais voilà, ouais, je suis pas le premier à faire cette blague-là, mais ça fait une petite blague en plus, on est content. Hein, ouais, mais ça est tellement profond, ce qui peut rendre les gens sceptiques sur le vaccin, moi je vois pas comment je vais débloquer la situation, quoi. Même si je le répète, j'ai quand même tout appris à Matt Pokora. Allez, bonne émission. Merci Guillaume. Et on se retrouve au Sébastopol, à Lille. 1200 personnes. Ce soir? Demain. Alors préparez-vous ce soir pour demain. Bah, relevez la manche surtout, parce que vous vaccinez à la sortie. À la queue leu-leu, quoi.